La conquête de Rose par Léon Frappier. 3 heures sonnent dans le préau de l'école maternelle du quartier des Plâtriers. Rose, qui doit prendre le lendemain ses fonctions de femme de service, est assise sur un banc et attend que Madame la directrice puisse la recevoir. Elle éprouve une sensation de froid dans cet endroit qui a l'immensité d'une salle de gare et qui sent à la fois la banalité publique et le vide, l'inhabité. Ses yeux reconnaissent, sans les avoir jamais vus, les choses communes et usagées, le calorifère, le lavabo, les bancs, les pâtés au mur avec des capuchons et des bérets, les paniers, le parquet, les portes. L'ensemble du décor a l'air vieux et pauvre. Rose songe avec mélancolie au deuil et aux difficultés d'existence qui font d'elle une déclassée secrète, obligée, à 22 ans, d'accepter le plus infime, le dernier de tous les emplois administratifs. Une seule consolation atténue sa détresse, on ne sait pas qui elle est. Nul ne peut se douter qu'elle a des diplômes, ni qu'elle est issue d'une famille bourgeoise. Et voilà son bien le plus cher, elle ne sera devinée par personne. Aux yeux de tous, de la directrice, des adjointes, des inspecteurs, des parents d'élèves, elle passera pour quelque fille d'ouvrier ou de paysan, ayant eu l'esprit d'entrer dans l'administration, au lieu de se mettre domestique ou d'affronter l'atelier, selon sa naturelle destination. Elle remplira son devoir le mieux possible. Elle sera bonne et dévouée avec les enfants, parce que l'enfance pauvre l'émeut énormément. Mais cette émotion spéciale ne sera pas plus devinée que le reste de ses sentiments. Si les grandes personnes ne remarquent rien de particulier en elle, ce ne seront pas les élèves qui s'aviseront de la trouver singulière. Elle obtiendra ce qu'elle souhaite profondément, que l'on ne fasse pas attention à elle, qu'on ne lui demande qu'un rôle en dehors de son service. Par la porte du fond, à droite, Marie Couret, venant de l'intérieur de l'école, entre dans le préau en gémissant, les poings aux joues et en traînant les pieds. C'est une gamine de 6 ans, aux yeux extrêmement brillants et à la figure pâle, névrosée. Brune, les cheveux à la chien sur le front, un ruban grenat au cou, elle offre exactement l'aspect en petit d'une créature des boulevards extérieurs. Rose est toute saisie à la vue de ce spécimen de la population scolaire. Il ne peut se retenir d'interroger à distance. « Eh bien, qu'est-ce qu'il y a donc? Tu pleures ?» Marie répond sans regarder. « Mademoiselle m'a mis à la porte. Elle a dit que j'aille dans le préau trouver la cantinière. » Elle continue à geindre, mais s'apercevant que la personne présente est une inconnue, elle s'approche comme pour la flairer. Or, Rose, en se flattant de n'attirer point l'attention, à compter sans la prodigieuse faculté de l'observation des enfants. Son costume noir, visiblement usé et raccommodé, est simple comme un uniforme d'orphelinat. Mais elle porte un chapeau et des gants de laine, ce qui n'est pas de mode dans le quartier des Plâtriers. Et elle a un visage fin, pensif et doux, qui n'est pas non plus du quartier. Tout à coup, Marie oublie son chagrin, sa punition. Elle se plante devant Rose avec émerveillement, le nez en l'air, les yeux tout grands. Sa voix se fait gentille, contente. « Bonjour, comment que vous vous appelez ?»« Je m'appelle Rose, et toi ?»« Je m'appelle Marie Couret. » La jeune fille éprouve une curiosité un peu inquiète devant cette gamine si étrange, qui lui sourit avec un tel empressement. Elle interroge encore. « Pourquoi, mademoiselle, t'a-t-elle mise à la porte ?» Marie répond négligemment. « Je m'ai battue, ils me font des misères. » Et elle ajoute, avec extase. « C'est un beau nom, Rose. » Son attitude exprime si bien la convoitise que Rose parle en quelque sorte pour se maintenir à l'écart. « Alors, les camarades te font des misères. Explique-moi donc ça. » Marie hausse les épaules. « Il y a ceux qui en perdent, ils font les malins, surtout si c'est longtemps le même. Il y a ceux que leur mère est au bureau de bienfaisance, ils font les malins aussi. Et dans l'autre camp, il y a nous. » Elle poursuit, sans transition. Si vous retiriez vos gants, on verrait vos belles petites mains. » La tête balance, de droite, de gauche. On dirait d'un chien qui sollicite une caresse. Rose médite la phrase résignée. Dans l'autre camp, il y a nous. Et elle admire cet instinct d'enfant si vite renseigné sur sa disposition affectueuse. Mais voyons, elle qui espérait bénéficier de l'indifférence générale, c'est impossible qu'elle exerce une telle attraction à la fois immédiate et irrésistible. Afin de pousser l'expérience, elle continue d'un ton distrait. « Alors, Tu n'es pas méchante et on te taquine. » Marie répond, la mine délicieuse. « Je dormais assise sur mon banc, parce que chez nous j'ai pas dormi. » Alors Adam, à côté de moi, m'a crié dans l'oreille. « V'là les agents !» J'ai sauté si fort que j'ai tombé par terre. « Et tu t'es fait mal. Tu as la joue tout abîmée. » « Cela n'a aucune importance. » Marie s'enquit rapidement d'autre chose. « Vous allez y rester dans notre école ?»« Oui, tu me verras tous les jours. » Ce renseignement met le comble à l'agitation de Marie. Pour le coup, il ne s'agit plus d'une tentation imprécise et patiente. Elle va chercher positivement et sans délai à s'emparer de Rose. Mais faute de pouvoir employer des gestes ou des mots directs, elle se tortille en regardant Rose. Ses épaules remuent. Tout son petit visage rentre en jeu. Il vibre, il appelle. Son manège n'est pas seulement celui d'une enfant qui implore, c'est aussi celui d'une courtisane qui invite. Elle soupire. Ah mon Dieu, que je m'ennuie! Une pause. Son regard poursuit celui de Rose. On s'ennuie bien de ce temps-là. Nouveau soupir. J'ai pas d'amis pour parler. Un instant de réflexion. Je voudrais bien être amie avec quelqu'un. Elle sourit d'un piteux sourire affamé. Elle se risque à toucher la robe de Rose et pour se donner une contenance, elle ajoute. Vous êtes habillée tout en noir, vous? Ah ça, quoi donc? Rose est toute remuée par cette volonté de captation. Un effort lui est nécessaire pour résister au magnétisme qui l'enveloppe. Un peu plus, elle ouvrirait les bras. Elle se dénoncerait. Elle accepterait de montrer une personnalité, contrairement à sa résolution première. Non, il ne faut pas sortir du rôle obscur et impersonnel. Toutefois, il est intéressant de voir jusqu'où ira cette bizarre aimantation. Au lieu de répondre à Marie, elle feint de s'intéresser du regard à l'agencement du préau. Un court répit a permis à Marie Couret d'examiner ce qu'elle pourrait offrir de bon, de précieux, d'irrésistible, pour faire la conquête de Rose. Elle va tâter et mettre en œuvre toutes les séductions possibles. C'est une fable, c'est une belle fable. Il y a un chat et puis une souris. Rose n'a pas l'air d'aimer les fables. Autre chose. J'ai un bonbon dans du papier. Je vous le donnerai bien. Aucun effet. Intonation plus grave. J'ai aussi un sou. Je vous donnerai bien tout ce que j'ai. La cupidité ne s'éveille pas plus que la gourmandise. Il y a l'appétit d'art. J'ai un dessin que j'ai fait dans la classe. Une locomotive et un bateau. Vous voulez pas le voir? Fais voir si tu veux. Vite, Marie sort un papier de sa poche, le présente, puis reste immobile, les mains derrière le dos, dans une attitude penchée. Vous pouvez le garder, je vous le donne. Vous avez des yeux comme en velours, et puis il y a votre bouche qui remue un peu. Ça fait doux. Ça m'attire quand je vois votre bouche qui remue, toute gentille. Un silence. Rose plie froidement le papier et l'insère dans son gant. Marie, à bout d'espoir, se décide à presque exprimer son désir. Sa voix est extrêmement malheureuse. Vous n'embrassez jamais les petits enfants. Rose a toutes les peines du monde à se retenir. Mais si, je sais bien caresser les enfants. La désolation de Marie augmente. Alors c'est les autres que vous aimez? Les autres, lesquels? Marie baisse la tête. Et les Rupins et les Purées. Elle se détourne un peu avant d'achever sa pensée. C'est fini. Elle ne demandera plus rien, elle va s'éloigner. Une épaule redressée par un instant de fierté douloureuse. Elle ajoute, tout bas, avec une résignation atroce. Vous aimez pas les Purées? Rose est bien forcée de se livrer. Les larmes lui sautent aux yeux. Elle est conquise par toute sa pitié. J'aime tous les enfants, et je veux bien t'embrasser. Marie tressaille. Précipitamment, elle tire son mouchoir, frotte sa joue, et fait de petits pas en tendant sa figure à pointillés. Au baiser de Rose, elle reste un moment immobile, la bouche ouverte, le souffle en suspens. Puis, instantanément épanouie, changée, ressuscitée, elle prend possession de Rose. Elle la tient d'abord dans son regard droit, dominateur. Elle l'absorbe avec une satisfaction jalouse et elle pose la main sur son épaule. Et tout de suite, elle va rendre cette possession définitive. Comme les choses les plus solides sont celles qui ont une base dans le passé, elle va, tout de suite, d'une parole indiscutable, donner de l'ancienneté à son bonheur. Son sourire évoque de bons souvenirs. Elle se pelotonne contre Rose, et son intonation posée, rêveuse, affirme un fait établi depuis longtemps et qui durera toujours. « Moi, tu sais, je t'aime bien, ma petite Rose. » Elle se penche, son baiser s'appuie. C'est un baiser preneur que Rose ne connaissait pas. Rose ne peut se défendre. Un émoi déchirant et doux jaillit du fond de son être, comme si une éclosion de maternité se faisait en ses entrailles. Et une bonté nouvelle asservit son visage. C'est fait. Rose n'est plus fermée. Rose ne s'appartient plus. C'était La Conquête de Rose, par Léon Frappier.